Mithridate par James Darmstadter. Il n'y a guère de nom plus connu que celui de Mithridate. Sa vie et sa mort font une partie considérable de l'histoire romaine, et sans compter les victoires qu'il a remportées, on peut dire que ses seules défaites ont fait presque toute la gloire de trois des plus grands capitaines de la République, c'est à savoir de Sylla, de Lucullus et de Pompée. Confère Racine, préface de Mithridate. Avec Hannibal et Vercingétorix, Mithridate incarne pour la postérité la résistance du monde ancien à la fortune romaine. Son nom et sa légende sont un des rares souvenirs que l'écolier de nos jours emporte de ses études d'histoire romaine. Il n'est pas un de nous qui n'ait rêvé sur les bancs du lycée, au merveilleux enfant, beau et fort comme un dieu, salué dans son berceau par les comètes, marqué de la foudre comme Dionysos. À 14 ans, fuyant la cour pour les bêtes fauves, sortant à 20 ans du désert armé pour toutes les luttes et contre tous les poisons, puis, tenant Rome en échec pendant un demi-siècle, se retrempant dans la défaite, grandissant d'audace avec l'âge et les revers, terrifiant le vainqueur avec les rêves de son agonie. Mais lui non plus, comme tous les grands vaincus de Rome, ne nous est guère connu que par les cris d'admiration ou de colère de ses vainqueurs. Ce qu'il fut réellement, ce qu'il voulut, ce qu'il représente dans l'histoire du monde ancien, nous ne le savons et ne nous le demandons guère, et jusqu'à présent, n'en entrevoyons de lui, à travers l'auréole et la brume de la légende, qu'une figure éclatante et obscure. Il est étrange que dans ce siècle d'historiens et de monographes, Mithridate n'ait jusqu'à présent tenté aucune ambition. Les historiens de Rome se sont bien arrêtés devant lui, mais en passant, et sans le regarder de face et tout entier, ne le suivant que sur les champs de bataille, où il rencontre Rome et aux heures où il l'inquiète. Aussi, même après Mommsen et Duruy, cette grande figure restait incomplète et énigmatique. Le vieux lutteur méritait bien d'avoir un historien lui seul, il vient enfin de le trouver. Le Mithridate, Eupator, de M. Theodor Reinhardt, présenté récemment pour thèse de doctorat à la Faculté des Lettres, est une des plus belles œuvres qu'ait produite dans les dernières années notre jeune école historique. La grande difficulté du sujet, et celle qui sans doute avait jusqu'à présent effrayé les connaisseurs, c'est le fragmentaire des documents et leur dispersion. Il faut, pour recueillir tout ce qu'on peut savoir de Mithridate, une érudition infiniment variée, et qui sache fouiller dans tous les coins, non seulement de l'histoire proprement dite, tâche relativement facile et limitée, mais de la littérature, de l'épigraphie, de la numismatique, de l'archéologie. Pour apprécier, rapprocher, relier tous ces documents et en faire un tout, il faut un esprit de méthode, une puissance de combinaison, un sentiment de la vie historique qui sont choses rares dans l'érudition. Enfin, pour mettre l'homme et son œuvre à la place et au plan qui leur revient dans la perspective du monde ancien, il faut savoir juger de haut, embrasser les masses, et dans la complexité chaotique des faits et des accidents, discerner les grands courants et les directions à la fois irrésistibles et cachées, du torrent souterrain de l'histoire. M. Reinhardt s'est montré dans son Mithridate égal à la tâche. On peut voir dans ce livre comment les disciplines nouvelles ont renouvelé le matériel de l'histoire. Les textes historiques, proprement dit, n'ont fourni à M. Reinhardt qu'une partie limitée de ces documents. C'est dans le corpus, c'est dans les musées, dans les cabinets de médailles, qu'il a retrouvé Mithridate. Il sera bien difficile à l'érudit le plus laborieux de trouver à glaner après lui, tant que le sol du Bosphore et de l'Asie mineure n'aura pas apporté de nouvelles trouvailles. Pas un texte qui lui ait échappé, pas un fragment de pierre, pas une ligne mutilée d'inscription, pas une monnaie fruste, pas une scolie perdue qui ne lui ait fourni un trait, un indice, pour la restitution de l'homme et de l'époque. Et ce travail de restitution, une fois achevé, nous fournit un Mithridate nouveau, toujours digne de sa légende et qui la dépasse même, car c'est plus qu'un héros, c'est un homme représentatif de la destinée d'un monde. Le duel d'Hannibal contre Rome est celui d'une race contre une race. Celui de Vercingétorix contre César est celui d'une nationalité contre la conquête. Mithridate ne représente ni la rancune d'une race, laquelle, il parlait 20 langues, celle de ses 20 peuples, ni la résistance d'une nationalité, laquelle, l'État, c'était lui. Il semblait donc que le duel de Mithridate contre Rome fût celui d'un homme contre un peuple. Il fut bien cela, mais aussi, quelque chose de plus encore, de moins dramatique, mais plus considérable. Mithridate est le dernier successeur d'Alexandre, non pas dans son rêve impossible de domination universelle et de monarchia, mais dans son rêve de fusion de l'Orient avec l'hellénisme. Mais ce qui rend la suprême tentative de Mithridate singulièrement intéressante, c'est qu'au lieu d'un grec imposant par la force l'hellénisme à la Perse et persisant la Grèce en retour, nous trouvons un Perse, un oriental, qui de lui-même va à la Grèce, lui demande ses arts, ses traditions, ses armes, se met à son école, et sans cesser d'être un barbare par le cœur et par le fond de la nature, rêve un empire où le maître seul est barbare. Les Mithridates prétendaient appartenir au sang royal et remonter à Cyrus. C'est une prétention qui ne leur vint qu'avec la fortune. Plus anciennement, ils se contentaient de descendre d'un des 6 conjurés de la conspiration de Darius. Ils entrent en scène dans l'histoire à la fin de la monarchie perse avec un Mithridate, dynaste de Chios, aujourd'hui Guillot, dans la mer de Marmara. La ruine de la monarchie offrait un champ à toutes les ambitions. Après les vicissitudes sans fin, l'arrière-petit-fils du premier Mithridate, chassé de Chios, s'enfuit en l'an 280 dans les montagnes de Pont-Euxin et y fonde un royaume qui, agrandi peu à peu par une succession de princes énergiques et habiles politiques, arrive en l'an 120 aux mains de Mithridate Pator. Tous ces princes, fiers de leur origine iranienne et qui volontiers auraient signé comme Darius, Perse, fils de Perse, Arien, fils d'Arien, étaient passionnés de civilisation grecque. Le premier Mithridate envoyait à l'académie une statue de Platon. Son fils, Ariobarzane, se faisait recevoir citoyen d'Athènes. Ces barbares étaient fiers de leur atticisme, comme aujourd'hui un Serbe ou un Russe de son parisianisme. La mère du grand Mithridate était une Grecque de Syrie, Laodice. La tradition hellénique était donc aussi ancienne que la famille. Mais c'est en Mithridate qu'elle s'affirme avec le plus d'éclat et devient, devant l'envahissement de Rome, un principe de politique. Les princes parthes, qui avaient en Perse succédé à Alexandre, prenaient sur leur monnaie le titre de philhellène. Mithridate ne prit pas le titre, mais agit plus qu'en philhellène. Il se révéla, dès son avènement, comme le protecteur né de la race et de la civilisation hellénique contre la barbarie. Son premier exploit est de sauver ces vaillantes colonies de la Crimée qui, depuis des siècles, faisaient briller le flambeau de la pensée grecque au milieu des ténèbres cimériennes et que menaçait d'éteindre la lourde main des hordes scythes. Chersonèse, sauvée par lui, vécut assez pour voir le Clovis russe, Vladimir, recevoir le baptême dans ses murs et transmettre à la Russie naissante, à travers le christianisme grec, l'étincelle lointaine de la Grèce. C'est un plaisir de suivre, dans le livre de M. Reinhardt, les progrès de la pensée royale et comment elle forge peu à peu les instruments de sa domination. Une double série de conquêtes, dirigées les unes contre les barbares de l'Est, contre les tribus sauvages du Caucase, les autres au nord, contre les Scythes, les Sarmates, les Bastarnes, font du pont un lac mithridatique et mettent à sa disposition une réserve inépuisable d'incomparables soldats qui viennent se former à la tactique moderne dans un cadre d'officiers grecs. Sa capitale est une ville grecque, Sinope. La Grèce lui fournit ses généraux, ses ingénieurs, ses diplomates, ses poètes, ses panégyristes, ses bouffons, ses maîtresses. Il parle grec comme un grec, consacre ses armes dans le temple de Némée et de Delphes, se fait initier au culte grec. Aussi, le jour où son progrès le met en collision avec le colosse romain, le monde grec, en Europe et en Asie mineure, l'acclame comme son libérateur et son patron. L'Asie grecque, pressurée jusqu'au sang par les publicains romains, se jette dans les bras du barbare et les vêpres éphésiennes signent le contrat d'alliance dans le sang de 100 000 Romains. Athènes même, la molle Athènes, se soulève et 4 siècles après Marathon, reçoit en sauveur les généraux du descendant prétendu de Darius. La fortune de Rome l'emporta. Mithridate succomba pour 2 causes. Tout d'abord, il n'avait pas eu le temps, malgré tout, de façonner à sa main les éléments qu'il maniait, et malgré ses généraux grecs, la matière de ses armées n'était pas de force à lutter contre la légion romaine. Son instrument lui éclatait dans la main. Pourtant, il était si favorisé par les circonstances extérieures, par l'anarchie et la guerre civile à Rome, par la haine atroce que l'oppression de la République avait semée autour d'elle, que son infériorité militaire, compensée d'ailleurs par l'infinie supériorité du nombre, aurait peu compromis ses chances si par malheur ce grand politique, ce puissant organisateur, ce lutteur indomptable, n'était resté au fond du cœur, sous ses allures de grec, un barbare d'Orient. Les Grecs sentirent trop tôt qu'il n'échappait à la griffe du publicain que pour tomber sous celle du tigre royal. L'enthousiasme qui les avait soulevés aboutit à une déception profonde. On l'avait suivi par amour, on ne le suivit plus que par crainte et pour le trahir. Les Grecs commencèrent à se demander si, après tout, il n'y aurait pas moyen de s'entendre avec Rome. Et Rome, après la terrible leçon qu'elle avait reçue et dans les difficultés qui l'enveloppaient de toutes parts, consentit à oublier, et l'on se rapprocha par-dessus une mer de sang. Il est oiseux de refaire l'histoire après coup. On aime pourtant se demander ce qui serait advenu si, à ce point tournant de l'histoire, la fortune avait abandonné Rome. Entre Rome et le monde oriental, le monde grec, politiquement épuisé, ne pouvait plus subsister à part. Serait-il absorbé par Rome ou par l'Orient, et la frontière des deux mondes serait-elle la mer Égée ou l'Euphrate? On se prend à regretter que Mithridate ait succombé. Sa défaite divisa l'univers ancien en deux mondes, n'ayant rien de commun entre eux, le monde gréco-romain et le monde iranien, et ouvrit le long duel stérile de Rome et Byzance contre les Parthes et les Chosroès. Sa victoire, en reportant la Grèce à l'Orient, eut créé en face du monde romain, ouvert depuis longtemps à toutes les influences de la culture hellénique, un monde gréco-oriental, où, par la supériorité active de sa nature, l'élément de civilisation grecque était sûr de l'emporter à la longue. La Grèce, asservie à Rome, est devenue un instrument de corruption et de décadence universelle. La Grèce, dominant et éclairant l'Orient, aurait jeté des colonnes d'Hercule à l'Indus et au Gange le rayon d'une civilisation commune. L'Occident et l'Orient, au lieu d'être, comme ils le sont devenus pour toujours peut-être, deux mondes ennemis impénétrables l'un à l'autre, destinés à périr l'un devant l'autre, auraient formé, comme l'Europe moderne, une vaste unité morale, où les diversités et les haines de race et de nationalité n'auraient pas empêché une certaine communauté d'intelligence, d'âme et d'idéal. Ce n'est là qu'un rêve, mais qu'il est permis de faire en arrière pour le passé, puisqu'il serait insensé de le faire pour l'avenir. Ainsi s'achève Mithridate par James Darmstadter.